apparemment on les a vus là. Et puis, un jour, comme dans un conte de fées, sur un coup de baguette magique, tout changea. Ben, je croyais aller à Barbès, je suis à Tombouctou. Je fais encore plus travailler mon imagination. Parce que je voyage, mais là, je voyage doublement. Tu vois. Je voyage à l'autre bout de la planète à la fois. Tandis que soldats américains et français se retrouvent dans le même camp, Hitler fête à Munich le soir du 8 novembre l'anniversaire du putsch de 1923 avec ses vieux compagnons. Es war immer schon, seit ich ein Knabe war, damals vielleicht eine Unart, aber im Großen doch vielleicht eine Tugend, meine Angewohnheit, das letzte Wort zu behalten. Und alle diese Gegner können überzeugt sein, dass Deutschland von 1 hat um 11:45 die Waffen niedergelegt. Ich habe grundsätzlich immer erst 5 Minuten nach 12 aufgehört. Son principal problème n'est pas la défaite subie par Rommel à El Alamein, ni le débarquement américain qui a eu lieu le matin même. L'essentiel, c'est Stalingrad, la bataille de Stalingrad. Bien sûr, les Russes résistent encore ça et là. Mais la Volga est atteinte, les troupes allemandes sont au cœur du Caucase. Certes, il faudra prévoir un nouvel hiver en Russie, mais cette fois la Wehrmacht est équipée en conséquence. Pour leur signaler que les rats que l'on suppose nombreux et qui nichent à la ferme pourraient être porteurs d'un germe dangereux.